sur les pavés, dans la poussière, les yeux brûlés par la lumière. Vous me parlez de votre guerre fière. Sous votre robe glisse une lame, mais je vous aime comme une femme. C'est la révolte qui m'enflamme. Américaine, il y a des chants qui me reviennent comme un souvenir dans les veines qui traînent. Dans le maquis sans maquillage, guérilla ce soir fait rage. Vous lui donnez votre visage grave. De vos ardeurs, la violence n'a pas de couleur. J'ai peur. Rebelle et belle de toutes vos forces, vous êtes fragile dessous l'écorce. Message d'amour comme une